Bah, une nuit sans pub là sur Énergie, on profite avec oui, la playlist Énergie. Bah, là, il est 4h du mat, on se fait le meilleur d'Énergie. C'est-à-dire le meilleur de Koé, le meilleur de Mickaël, le Rico Show, le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Vos hits préférés avec Imagine Dragons, c'est Dead Jew sur Énergie. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Yeah. J'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. C'est que mon tour finira par arriver. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime je suis jaloux. Je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Énergie, salut tout le monde. Bonjour, un petit peu plus de 4 heures. J'espère que tout va bien. C'est Cédric, on est mardi aujourd'hui, on est le 27 novembre. On va écouter Bad Bunny, Calvin Harris et Imagine Dragons. Puis avant ça, c'est le meilleur de Mickaël. Avec le jeu du Partons pas fâché, c'est Amina qui a joué avec Lucille, une auditrice. Écoutez, c'était sur Énergie semaine dernière. On va jouer au jeu du Partons pas fâché maintenant avec Lucille qui est avec nous. Bonsoir Lucille. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Bon, tant mieux. Alors, de quoi? T'es en pleine forme? Tant mieux, Lucille. Ouais. Bon, t'appelles du sac neuf, toi, de Cuvillers, ouais. C'est ça? Cuvillers, Cuvillers, ouais. Comment on dit? Ouais, c'est un truc. Oui, mais ça se dit comment? Cuvillers. Cuvillers, d'accord, ok. Bon, et on va jouer au jeu du Partons pas fâché. Le principe est très simple. Tu vas donc choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. Tu veux jouer contre qui? Tof, Polo, Amina ou moi-même? Amina, très bien. Histoire de la mettre encore un petit peu plus belle dans les défaites. Bravo, Lucille. Dommage, bien que tu gagnes, Lucille, mais évidemment pas toi, donc c'est pas grave. C'est ça, mais qu'est-ce qui est. Oh là là. Bon, Lucille, on y va. Tu commences ou c'est Amina qui commence? Bon, vas-y, Amina. Allez, Amina allez, commence. Allez. Et donc, le principe est très simple. Vous allez appeler chacun à votre tour pour avoir une discussion de rupture. Donc, la personne qui va décrocher, vous allez. Garçon ou fille, on ne sait pas. Dès qu'elle va décrocher, vous allez devoir faire comme si vous étiez en train de rompre avec lui ou avec elle. Celui qui tient le plus longtemps gagne. D'accord? Bah, moi, je suis d'accord. Mais... Très bien. Donc, on y va. C'est parti. Et mauvaise chance, Amina. Puisses-tu perdre? Merci. Puisses-tu perdre? On peut me laisser me concentrer? Père. N'oublie pas, c'est le. Je t'emmerde. Arrête, je vais encore mélanger là. Ouais, allô? Allô? Ah, je suis contente de t'avoir au téléphone. Ça fait un moment que j'essaie de te joindre pour parler de tout ça. C'est qui? Bah, tu sais très bien qui c'est. C'est qui parle? Et en plus, tu fais genre d'être un petit peu agressif alors que tu sais très bien qu'on a besoin. Oui, tu m'entends très bien, je le sais. C'est très bien qu'on a besoin de discuter. C'est-à-dire que ça peut plus vraiment durer, tu vois. Poum! Et t'as bien porté la poisse, hein. Pas mal, Lucille. J'avais bien démarré, quoi. Trop de talent, et. Ouais. Ah ouais, trop de talent, ouais. Bon, Lucille, 20 secondes, c'est pas à la folie, hein. Allez, moi je suis chaud patate là. Ah bah tant mieux. Je te souhaite de gagner. Je te souhaite d'éclater, Amina. Once again. Et donc, bon, on y va, Lucille. C'est parti, à ton tour. Je souhaiterais même pas mauvaise chance, Lucille, parce que je n'ai pas le time. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, t'as la défaite, hein. Pas encore. Non, mais t'inquiète pas, elle va venir. Je vais déjà la mettre. Anticipe, tu vas voir ça, de porter la poisse. Si ça ne décroche pas, ce sera une victoire automatique. Ça va pas ou quoi? C'est quoi les nouvelles règles? Mickaël, change les règles quand il veut. Allô? Allô? Je crois que c'est mort. Non, c'est pas mort. Là, je suis désolé. Non. On a déjà fait c'est recommencer pour moins que ça. Hein. Elle a dit allô, elle a entendu sa voix désagréable et nasillarde. Non, elle a raccroché. Elle a même pas dit quelque chose. Ouais, ouais. Non, ouais, je suis désolé. Je veux bien. Non, il faut recommencer. C'est le record du raccrochage le plus vite. Là. Ouais, non, mais justement. C'est pas le jeu. Non, c'est pas le jeu. T'as même pas eu l'occasion de jouer. Non, je suis désolé. Amina, sois pas de mauvaise foi quand même. Non, mais je dis rien, c'est pas grave. D'habitude, quand c'est les autres. C'est pas vrai. Je suis désolé. Non. Là, alors là, faut pas déconner, quoi. On y va, Lucille, on recommence. Allez, on y va. Allez, c'est reparti. Non, il faut quand même au moins un minimum de discussion. Allô, oui, bonjour, boum, éventuellement. Mais là, c'est allô, clac. Non, mais te serait-ce pas, Lucille. Je pense qu'on va, de toute façon, on va continuer. Surtout qu'Amina, elle fait exprès. Je suis sûr que la ligne qu'on a appelée, elle a appelé 15 fois avant. Genre, la meuf a été vénère. Oui, c'était même moi-même. Ouais, bah, ah bah voilà, bravo. J'ai acheté une puce canadienne. Ah, ça y est, tu reconnais enfin. Tricheuse. Vous avez vu comment elle est? Qu'est qu'une tricheuse. J'espère qu'elle va gagner maintenant parce que si on va. Oui, allô. Allô. Allô. Allô. Bonsoir. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui. Tu m'as reconnu? Non. Non. Bah si, il faut que je te parle en fait. Tu reconnais pas ma voix? Et pas vite fait comme ça, non? Mais si, il faut que je te parle vraiment. Il faut qu'on ait une bonne discussion ensemble. Ok, ben allez-y. Tu te souviens la fois dernière qu'on s'est vu? Non. C'est un petit peu tendu entre nous. C'est un peu disputé et tout. Bon, je me souviens pas la dernière fois, je me suis chicané, moi, là. Fait que je sais pas à qui je parle, là. Et si, je voulais vraiment avoir une conversation avec toi et j'ai parti un petit peu en colère. Et tu vois pas? Et si. Non, je vois vraiment pas. Là, je voudrais vraiment qu'on ait une conversation et que, ben voilà, faut qu'on t'explique et puis que, ben, notre relation, voilà, quoi, il faut que, qu'elle soit tirée au clair, quoi. Et quelle relation? Ben quand même, tu me reconnais. Non, je vous replace pas, madame. La femme de sa vie, on en a qu'une, quoi. Oui, mais c'est pas vous. C'est pas moi, mais si, carrément. Je sais pas à qui, vous voulez parler. Excusez, à qui vous voulez parler? Mais si, si. Et je voudrais vraiment qu'on s'explique à deux et que, voilà, notre conversation de la fois dernière est restée sur un mauvais point et... Voilà, je vous replace pas, madame. J'ai aucune idée de qui vous êtes là, à qui vous voulez parler. Raccrocher. Bon, écoute, on va raccrocher. On va y passer à lui. Bon, attends, j'ai raccroché Lucille là. Bon, 1 minute 42. Évidemment, 1 minute 42. La meuf, ça fait 50 fois qu'elle rejoue. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening. Look looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, facing a bit of the truth. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, au saut du lit comme chaque matin, ouais, direction le taf pour pas mal d'entre vous. On se fait la playlist Énergie, puis aussi le meilleur du Rico Show, c'est à 20h tous les soirs en direct pour vous sur Énergie. 0800 70 42 48 pour faire l'émission avec nous en direct chaque soir. Et là, c'est le meilleur de l'émission. Bon réveil. Le podcast du Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Yes, les amis, on est là jusqu'à 23h. Kibito, Sarah a une histoire avec Shaim. Évidemment, elle a donné des cours à Shaim, soi-disant. Et puis après, elle a percé. Et voilà. Et Shaim a chopé le mec de Sarah. Ouais. Si c'est le cas, les amis, on a le numéro de Shaim. On essaiera de l'appeler. Ça y est, je viens de le récupérer. On essaiera d'appeler Shaim pour savoir si c'est vrai. On a une deuxième histoire. C'est celle de Sylvain. Alison est au milieu. Elle a fait le 0870 42 48. Alison, tu penses quoi de l'histoire de Sarah rapidement? J'ai toujours un doute. Alors, est-ce que je peux poser une petite question? Vas-y. Alors, si tu connais aussi bien Shaim, comment ça se fait qu'elle n'ait jamais parlé de toi ou de ses débuts où elle aurait rencontré... Parce que Sarah n'est personne. Tout simplement, ma belle, parce qu'on s'est vraiment embrouillé très gravement et que c'est pas dans son intérêt de parler de moi après, en fait. Très bien, ma Sarah. On y va, de l'ombre. L'histoire du tombeur. Ouais, donc moi, je travaille dans l'éducation nationale. Ouais, c'est pas une vanne, hein, bien sûr. J'étais un super pion. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais tout, quoi. Je faisais, ouais. T'es toujours un pion. Hein. Je faisais le vigile, ouais. Je faisais le grand frère. D'accord. Jamais le prof. Hein. Voilà, non, jamais. J'étais un peu un fourre-tout, tu vois. D'accord. Tu l'es toujours. Le fourre-tout, d'accord. Et donc, en fait, nous, on s'occupait, par exemple, quand il y avait un conseil de discipline compliqué, ouais. Et ben, on intervenait sur le conseil de discipline. D'accord. Ah ouais, t'étais là pour assurer. Ouais, parce qu'on travaillait dans le 93, tu vois. D'accord. Donc, c'était un peu chaud. Ouais. Et là, on intervient sur Bobigny, ouais. Où un gamin avait mis des crottes de nez dans un plat d'un super. Prof. Non, non, je te jure, c'est vrai. La carrière. Oh, la carrière du tombeur, ça change de Shaim. Et donc, en fait, nous, on sécurisait un peu le conseil de discipline. Ouais. Et là, ça part en cafouillage dans le conseil de discipline. Parce D'accord. que le gamin venait se faire virer. D'accord. Donc, il y avait des grands frères et tout. Ouais. Nous, on commence à ceinturer les mecs, on les sort et tout. Et là, ça part en bagarre, mais vraiment à l'intérieur du collège. D'accord. Donc, cacahuète, papaouette, enfin. Ah ouais. Tu vois, ça arrête pas, quoi. Sympa. Un pirouette, ouais. Et là, d'un seul coup, il y a des mecs. Vous savez qui c'est, lui et tout. Je dis, bah non, c'est qui? Et bah, il dit, c'est Fianso, Sofiane. Tu vois, tu te rappelles le bien cœur, sûr. Tout le reste du monde s'en fout. Voilà. Et je t'ai tapé avec lui. T'es débattu avec Fianso. Je savais pas, moi je connaissais pas, tu vois, le rap, je connais pas trop, tu vois. Et lui il faisait quoi là-dedans? Ah, il était vénère. Bah, c'était le frère du gamin en question qui s'est fait virer. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Donc ça part en cafouillage, toute la cité qui descend. Et toi, tu tapes avec Fianso? Ouais, ouais, alors star, moi je le ceinture. Bah, bien sûr que si, je le ceinture. Le directeur du collège, il sépare et tout. Ah ouais. Et le lendemain... Et tu l'as cassé la gueule un peu à Fianso, tu l'as mouché? Non, enfin attention, tu vois, des conseils de sécurité, donc on maintient, tu vois, comme la police, ouais, quoi. Ouais, d'accord. On fait attention, tu vois. D'accord. Pas de coup, parce que sinon, ça peut... Ça peut se retourner contre vous. Et lui, il voulait te poirer, lui? Ah ouais, bah c'était chaud, il y avait toute la cité, enfin voilà, bref. Ouais. Et donc, nous, on calme le jeu et tout. Et le lendemain, le mec, pour se, comment, pour se, s'excuser de ce qu'il avait fait, ouais, parce que voilà, il c'était le coup sur des nerfs, ouais, il a dit bah, écoutez, à la fin d'année, je vous ferai un petit concert pour le bal de fin d'année. C'est pas. Ouais, ouais, je te jure. Ah, lui, il a dit ça. Et en fait, à la fin de l'année, au collège, il est venu, il a fait un mini concert pour tous les gamins. C'est ça, il se fait ceinturer, il fait un concert après. Mais bien sûr que si, c'est un mec de mobilité, t'es sérieuse ou quoi? Ouais, ouais, c'est, ouais, je sais pas où mettre la tête. J'aime. Ouais, pareil, franchement. Franchement, si je suis Louis Alisson, t'en penses quoi de l'histoire du tombeur? Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ah, ouais. Tu dis qu'il y a eu un bordel dans le conseil de discipline, mais après, c'était dans l'école. Et c'était dans quel collège aussi? Ah! Ah! Jacques Brel à Bobigny. Jacques Brel à Bobigny, collège Jacques Brel. Mais vous êtes sérieux? Jacques Brel à Bobigny. Ouais, ouais. Merci Jacques Dutronc. D'accord, bah écoute, Alison, tu vas devoir faire un choix. Je dis que Sarah dit la vérité. Tu dis que Sarah dit la vérité. Sarah, est-ce qu'effectivement tu t'es pris la tête avec Chaim? Si c'est le cas, on va l'appeler. On appellera Chaim dans cette émission, j'ai récupéré son numéro. Même si c'est pas le cas, on peut l'appeler quand même, non? Pour le ouais, kiff. Ouais. Je pense que dans les deux cas, elle ne décrochera pas. Ah merde. Sarah, est-ce que c'est la vraie histoire? Alors, il y a 12 ans, c'était au NMT de Lille. Et en fait, Chaim, elle faisait les chœurs pour Camaro, elle a toqué à ma loge. Et c'est là que tout a commencé, puisqu'elle m'a dit « Écoute, Sarah, j'aime beaucoup comment tu chantes, je kiffe comment tu danses. » Et malheureusement, c'est moi qui vais te devancer dans le game de la musique. Et non, c'est pas embrouillé, c'est faux, mais par contre, c'est vrai pour le début. Ah ouais, ah ouais. Chaim est venu me complimenter dans ma loge, etc. Mais par contre, elle a pas pêché de ton mec. Jamais. C'est donc malade. Sylvain qui a la bonne réponse. Et tu perds, Alison. Alison. Désolé. Alison, tu remportes quoi? Je te file une compile. Je te file quand même une petite compile. Voilà, un petit cadeau, mais là, pardon, c'est de Chaim. Ouais, la compile de Chaim, le bâtard. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo. Dile que tú eres mía desde la high. El terno favorito de tu mic. El casco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera pa' recortar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar. Are you drunk enough Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. No promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Tonight. Énergie, c'est Cédric de Bon Matin et vous envoyez Koé dès maintenant au 7-10-12 pour gagner tout à l'heure à 17h30 dans le Cash Cash Énergie chez Koé jusqu'à 10 000 euros. Ouais, ça peut être vous hein, qui gagnez, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Là, on se fait le meilleur de Koé sur Énergie et derrière, ce sera Maroon 5 plus Soprano dans la playlist Énergie. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Oui. Allô. Oh mon Dieu. C'est Thérèse ? Oui. Bonjour Thérèse, devine qui c'est ? Attendez, je vais de l'autre côté parce que j'entends. Oui, ça capte bien. Mieux de l'autre côté. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est ça. Ben oui. Alors, je me suis dit, tiens, Thérèse, je vais téléphone maison. devine qui c'est, Thérèse. Oui. Téléphone maison. Eh bien, Thérèse, oui. Oui, devine qui c'est. Bon, devine qui c'est Thérèse. Qui appelle pour dire bonjour. Oui. Alors. Comment il s'appelle maintenant? Je voulais le nom. Oui. Oui. Oui. Et oui. C'est moi. Oui. Ah ben oui. C'est moi. Ça va? Oui. Alors quoi de neuf? Oh, pas grand chose de neuf ici. Ah non, pas grand chose. Tu t'ennuies pas? Ah non, ça non. Ah bon. Ennuyé un petit peu quand même vers le soir. Hein. Oui, bah quand la nuit tombe, hein, forcément. Qu'est-ce que tu fais de beau la journée? Ah ben, la journée, il y a quand même le kiné, il y a les infirmières, il y a un tas de passages, quoi. Ah oui. Il y a des fois des amis, tout ça, mais après, ben... Il faut dormir. Hein? Après, il faut dormir. Oh non, moi, je ne dors que le soir. Moi, dans la journée, je ne dors pas. D'accord, le soir, pas trop tard, hein? Ah, moi, le soir, c'est 11h30, minuit ou le quart. Ouh, bah dis donc, mais qu'est-ce que tu regardes à la télé? Ben, n'importe quoi. Ah oui, n'importe quoi. Tout, dès qu'il y a un truc, un film, une série, n'importe quoi. C'est ça. Mais je ne peux pas dormir. Si je m'endors trop tôt, à minuit, je peux me lever. Ah bah oui, bah ça serait trop tôt là pour le coup. Bah oui, voilà. Bah oui, il faudrait aller faire un tour en discothèque, en dancing. Oui, mais j'y pense. Oui. Il faut que je me trouve quelqu'un. Quelqu'un pour aller en discothèque ? Bah, mais oui. Et je peux pas y aller toute seule. Moi, bah, je vais te trouver quelqu'un sur Badou. Hein ? Je vais te trouver quelqu'un. Ouais, ouais. Un petit jeune de 65 ans. Oui, c'est ça. D'accord, qui dansera le salsa, le tango. Ah ben oui, d'accord, ouais. Le Madison, le cha-cha, le jerk. Ouais. Hein ouais, moi, je voulais te faire un gros bisou en tout cas, elle est trop mignonne. Ouais. Elle est trop mignonne. Moi, je ne sais même pas qui vous pensez que c'est, mais c'est pas moi. Ah bon? Non. Moi, on a appelé au hasard, on est tombé sur vous. Moi, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Ah bon? Oui. Ah bon. Et je voulais vous faire un gros bisou parce que vous êtes adorable. Est-ce que vous voulez que le public vous applaudisse? Allez. Regardez, applaudissez. Bravo. Thérèse, elle est trop mignonne. Thérèse, allez, vous avez vu, vous voulez que le public... Regardez, imaginez Thérèse, vous êtes à Bercy, là. Thérèse. Une autre. Il fallait me suivre, les verrous. Je te fais un gros bisou, Thérèse. Allez, au revoir. Je t'embrasse fort. À bientôt, ouais. Thérèse. Et sans indiscrétion, est-ce qu'on peut savoir l'âge, sans indiscrétion? De quoi? Est-ce qu'on peut savoir votre âge, sans indiscrétion, Thérèse? 88, c'est beau. Hein. Je serais plus là. Je serais plus là. Ah bah depuis longtemps. Je serais plus là depuis longtemps, évidemment, avec tout ce qu'ils mettent dans l'air et tout dans l'espace et tout. Il n'y a plus de saison. Au revoir, gros bisous, Thérèse, à bientôt. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, coming rev it up like a Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, girls like you. Je suis toujours resté le même. je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffés leur donner le tournis quand tombaient les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. J'espère que toi bien, c'est Cédric sur Énergie. Bienvenue à ceux qui arrivent là tranquillement au bout de la nuit. On va écouter George Ezra et Ariana Grande dans la playlist Énergie. Il y aura aussi Offenbach tout à l'heure, Shawn Mendes, petit classique de Michael Jackson aussi. Et là c'est le meilleur de Mickaël, 23h tous les soirs en direct sur Énergie. Et on a parlé de prénoms ou de noms de famille un petit peu pourris que certaines personnes peuvent avoir. C'était chez Mickaël sur Énergie semaine dernière, écoutez. Bon Jonathan, sois le bienvenu. Ouais. Alors, tu voulais réagir toi par rapport au nom de merde, puisque tout à l'heure on a lu une information comme quoi en Belgique il y a un candidat socialiste qui il ne peut pas créer de compte Facebook car Facebook considère que son nom est offensant. Il s'appelle Luc Anus. Enfin, Anus, apparemment. Enfin, oui, a priori, mais bon, c'est écrit quand même ANUS. Donc bon, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit sur le site d'info. Oui, si c'est Anus, pourquoi ils ont mis un S? Bah ouais, mais bon, à ce moment-là, tu dis Paris. Ça n'a rien à voir. Bah, il y a un S. Mais non, il s'appelle Anus, Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'elle veut, Amina, là? C'est un truc de ouf. Vous êtes bête ou quoi? C'est comme les mecs qui s'appellent Bertrand, personne ne les appelle Bertrand. Et ben alors? Bah, il s'appelle Anus. Donc ça peut être Anu. Oui, ça peut être Anu, Anus. Voilà, c'est comme Polo, là, et il a toujours raison, là. Il fait exprès. Eh ben, évidemment. Bien sûr, de toute façon, depuis qu'il est routier, c'est plus le même. Enfin bon. Bon, messager, pardon, pas pour moi. Bon, Jonathan, au niveau des noms de merde, vas-y, je t'écoute. Du coup, bah moi j'ai la totale, j'ai le prénom et le nom, enfin après bon c'est la merde, c'est Jonathan Château. Alors, Jonathan qui est si joli Gatan, bah j'en reprends tout ça. Mais attends, je comprends rien Jonathan parce que t'as un téléphone particulier, enfin raison de, en tout cas de merde. Donc tu n'appelles ouais, Jonathan Château. Bon, c'est pas très grave. C'est stylé, Château. Surtout que ça veut dire que ça veut dire que fut un temps, tes arrière grands-parents avaient un château. Et en général, c'est comme ça que viennent les noms de famille. Enfin, venaient les noms de famille à l'époque. C'est le mec qui habitait dans un château. C'est Monsieur Château. Et hop là, ça partait comme ça. Et comme quoi, rien n'est définitif parce que. Mickaël refuse. Non, mais c'est vrai quand même. Pas forcément. T'es routier, donc c'est parfait. Ouais, c'est ça. Ah non, mais ça. Ah oui, d'accord. Non, mais prénom de merde dans le sens où c'est jeu de mots facile à faire. Ça, je suis d'accord. Mais avec tout ça, c'est toujours pas. T'es vraiment jaune ou pas? Oh putain. La fameuse blague. Oui, évidemment. Mais nous allons. Je c'est ça. C'est ça que vous vouliez. Vous l'avez eu. Ah bah c'est ça. Bon bref, et donc du coup ça va aujourd'hui tu le vis plus trop mal, si?

Guess she grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Call me cause she last. God forbid something happens. At least that song is a smash. Énergie, j'espère que le réveil n'est pas trop dur. C'est Cédric là, comme tous les matins pour vous réveiller. On écoute Shawn Mendes et Offenbach dans la playlist Énergie, juste après le meilleur du Rico Show. Et dans le Rico Show la semaine dernière, qui est en direct hein, tous les soirs dès 20h, on a eu une belle histoire. Écoutez, c'était sur Énergie. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. On va voir la belle histoire de la semaine, les amis. Cécile est là, elle a fait le 0870 40 42 48. Ça va, Cécile? Salut Rico, salut toute l'équipe. Salut ma Cécile, il t'est arrivé un truc de fou cette semaine et en fait c'est pour partir avec le sourire ce week-end et ouais. Se dire qu'on a la chance aussi d'être là. Elle va nous raconter son histoire. Raconte-nous ce qui se passe ma Cécile. Eh ben j'allais travailler lundi et en fait je me suis endormie sur la route, enfin assoupie, oh et sur une départementale. Ouais. Ma voiture est montée à 100 km/h à peu près. Ouais. Sauf que bah, je suis partie en tonneau avec ma voiture. Oh là là. Et quand tu t'es endormie, t'as fait quoi? T'as appuyé sur l'accélérateur ou, ben, ou t'étais c'est ça, en fait, je sais pas du tout. Je me suis assoupie et tout. Mon pied est resté sur la pédale d'accélérateur et. Oh là là. Mais il était quelle heure? C'était le matin, il était 8h30, j'allais bosser. Ah ouais, t'étais cuite quoi, t'étais fatiguée. Déjà lundi, t'es fatiguée. T'as dû passer un sacré week-end, Cécile. J'ai passé un sacré week-end, ça valait pas le coup de me planter en voiture. Bah ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup, tonneau et tout, et raconte-nous, toi, tu t'es fait mal ou pas du tout? Donc effectivement, ma voiture a fait au total 6 tonneaux. Ouais. Wow, putain, elle s'est arrêtée sur les 4 roues, heureusement, sur le toit. Ah ouais, waouh. Et je suis sortie de la voiture indemne. J'ai pris mon téléphone portable, j'ai appelé ma mère. Putain. Et ma voiture morte, et je n'ai rien. Mais quand je vous dis rien, c'est... T'es même pas un bleu. Oh, le miracle. Ah non. C'est quoi ta voiture? Parce que... Eh ben, improbable, c'était une Renault Mégane. Eh ben, c'est très solide, les Renault Mégane. De toute façon, j'ai toujours aimé les Mégane, j'avais une ex terrible. Elle était très solide. Sylvain. Non, mais t'es gratté un jeu, j'espère, après. Parce qu'avec t'as vérifié aussi le téléphone de ton mec. Mon mec, c'est bon, je lui fais 100% confiance. J'ai tenté de jouer à l'Euro Million, mais ça paye pas encore. Il y a plus de chances que tu gagnes à l'Euro Million que tu survives, là, où t'es pas un bleu, là. Bah, c'est histoire de ouf, cette histoire. Je voulais vous donner le sourire et vous dire aussi de faire attention, les amis, parce qu'on vous aime fort. Prudence au volant. C'est vrai que ce week-end, voilà, vous allez sortir, vous allez faire les cons, vous allez, voilà, essayer d'avoir Sam et tout. Là, Cécile, elle était 8h le lundi, putain, elle s'est endormie. Et heureusement, tout va bien. C'est la belle histoire, quand même, de bien la semaine. C'est le fait que tout va bien. Bah, désolé, ça fait un peu phrase de vieux, tu vois. Mais franchement, au pire, tu mets 5 minutes de plus, mais tu roules pas à 100 quand c'est une voiture. Ah, mais je crois que c'était une route à. T'étais plus ou. Oui, non, mais dans d'autres cas, tu vois, je dis aux gens, voilà, les gars, vous êtes pas pressés, tranquille, mettez 5 minutes de plus, mais c'est pas grave, vous allez arriver entier. Sur un long trajet, quand t'as 5-6 heures que tu bourrines un peu, c'est-à-dire tu dis je maintiens 130, tu cherches à le maintenir à fond, tu gagnes 2-3 minutes par heure. Et à peine, je suis d'accord. Écoute, Cécile, on va te faire un petit cadeau et puis on est content que tu sois parmi nous parce que t'aurais pu démarrer la semaine avec nous et pas la finir. Serait dommage. Je vais commencer avec vous et je la finis avec vous. Ah bah yes. Et tu seras là lundi. Finis-la bien. Et il paraît que ce week-end tu vas te reposer, Cécile. Il paraît. T'as tout compris, Rico. Allez, bisous à Cécile. On t'embrasse, on t'aime fort. Ciao à Cécile. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Cap. Oh, I never ever had a love like that. Oh, you bring love.

C'est tout frais. Dans la playlist Énergie. Sia. David Guetta. If you love me, let me heal. Tino Silva. Energy. Énergie, salut tout le monde. Bonjour, bon réveil. J'espère que c'est là ce matin, il est 5h. Ouais, tout pile. Et à 5h du mat sur Énergie, c'est la playlist Énergie. On écoute The Prince Karma, Benny Blanco et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. On se retrouve en direct tout à l'heure. Bitches.

Salut Manu. Bienvenue sur Énergie, Enora. C'est lundi, ne prenons pas de bonnes résolutions, on risquerait de se blesser. Qu'est-ce que tu dois faire cette semaine, mais que tu ne feras pas? Alors moi, j'ai rendez-vous mercredi chez le dentiste. Et je sais que j'irai pas car j'annule toujours la veille, ça me fait trop flipper. Alors moi aussi je dois aller chez le dentiste, mais ouais. ça fait 2-3 mois. Ouais. Donc j'ai annulé. En fait j'annule pas la veille, moi j'ai annulé un premier rendez-vous et depuis j'ose pas rappeler. Ah ouais. Mais voilà. Ah mais moi je change. Tu changes de quoi? De dentiste. Tu vois encore plus loin toi. Parce que moi j'ai un peu honte de l'appeler, mais au bout d'un moment je l'appelle quand même. Oui. Ouais. Toi t'as tellement honte de le rappeler que tu changes carrément. Non. D'accord, ok, c'est pas mal. Mais est-ce que les dentistes travaillent vraiment en fait? Parce qu'en fait tout le monde annule, on est d'accord, les rendez-vous chez le dentiste. Alors c'est vrai que. Si ça se trouve, ils sont chez eux, ils savent que personne va venir. Moi mon dentiste, quand je viens, il y a quand même pas grand monde dans la salle d'attente. C'est ouf. Et souvent c'est les gens qui vendent genre des nouveaux produits, des trucs comme ça. Ah, les pauvres. Ils foutent rien les dentistes. C'est pas sérieux. Moi je suis méga flippée comme vous des dentistes, mais j'ai trouvé la solution, c'est le méopa. En fait c'est un petit truc qu'ils te mettent sur le nez, c'est un gaz hilarant et t'oublies la séance. C'est génial, tu payes un peu plus cher, mais au moins t'as oublié, tu pars un peu dans les vapes. Le méopa. J'ai jamais vu ça chez le dentiste. Ouais, surtout pendant des tartrages, je suis pas persuadé que c'est très bon pour la santé de prendre du machin. C'est médical. Paulette, le pas mal, hein. Mais ça fait quand même 2 ans quasiment que t'es avec nous maintenant. Franchement, je pense qu'il y a des effets secondaires au truc. Non. Moi, je serais toi, je vivrais avec mes caries. Merci de nous avoir appelé, Nora. Qu'est-ce que vous devriez faire cette semaine que vous n'allez pas faire? Sur Twitter, il y a Olivier qui dit « Allez chercher mon colis à la poste ». Ah ouais. Ouais. Alors là, je sors un truc de ma poche. C'est quoi? Ah ben, ça fait une semaine que je l'ai aussi. Ouais. Ah merde. Ah, le petit papier là. Je l'ai. Voilà. Le papier de recommandé. Ça fait une semaine que j'ai ce putain de papier dans la poche arrière de mes pantalons. Alors quand je change de pantalon, je le prends, je le remets dans la poche arrière de mon nouveau pantalon et je ne vais toujours pas à la poste. Mais tu sais ce que c'est au moins ou pas? Le colis? Ouais. Pas trop non. Ouais, parce que moi ça me fait stresser. C'est ça aussi pourquoi j'y vais pas. C'est parce que je me dis que je suis un peu en flip quoi. De savoir ce que c'est ou autre. Quand tu te souviens pas de ce que t'as commandé. Tu vas faire la queue, tu vas récupérer le truc. Ça se trouve c'est juste un truc pour Noël que t'as commandé. Ça se trouve c'est un truc super important vu que c'est un recommandé. Alors quand même. Non, mais attends, tu délires. Il faut vraiment. Tu sais que tu es obligé d'aller le chercher ton recommandé. Oui, bien sûr. Il y a des gens, ils ont eu la peine de mort pour ça. Martin, bonjour. Bonjour Manu, bonjour l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Martin. Merci. Qu'est-ce que tu dois faire cette semaine, mais que tu ne feras pas? Bah écoute, moi je dois appeler la Sécu parce qu'ils me doivent plus de 80 euros. Mais je sais que je vais pas le faire cette semaine déjà parce que j'ai pas envie de passer 1000 ans au téléphone à attendre. Mais attends. Alors c'est le vrai souci. En fait, tu dis je dois dire qu'on me doit de l'argent, etc. Mais t'as ce putain de truc d'attente interminable. Ouais, mais la Sécu, c'est nouveau. Moi je les ai appelés vendredi pour la première fois depuis 2 ans. 14 minutes d'attente, ils m'ont annoncé. Oh là là. 14 minutes. C'est pas mal, 14 minutes. Hein. Moi, quand j'appelle la Sécu, je prévois des provisions, un duvet. tu te mets chez toi. Et je fais un feu de camp en disant hey, c'est parti, on a 2 jours à passer. Je prends mon week-end. T'attends dans la file d'attente de la poste, hein, en même temps, t'as le temps. Hein. Oui, exactement. Tu fais une attente groupée. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies et tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mmh.

La chose qu'on ne dira jamais sur nous à un premier rendez-vous, il y a Ben qui dit une ex m'a déjà quitté parce que je ronflais trop. Oh. C'est dur ça. Ouais, moi, il y a une époque où je ronflais pas mal et du coup j'attendais que mon ex s'endorme pour moi pouvoir m'endormir et ronfler tranquille. Et tu ronfles plus? Ouais. Non, je me suis fait opérer des végétations. Ah ok. Tout va mieux. Ouais. Mais alors, en fait, c'est plusieurs fois que tu dis je me suis fait opérer les végétations, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Bah moi non plus. Ok, d'accord. Ok. Pour la chose qu'on dira pas sur nous un premier rendez-vous, il y a Alban qui dit j'ai envie de me marier au plus vite. Oh la pression. Ouais, ça c'est, ouais, c'est un peu chaud ça. La pression du premier rendez-vous. Ah, ouais. Et un dernier petit message de Lisa qui dit apparemment je fais des proutes en dormant. Ah non. C'est bien ça, au moment où t'es en train de manger. Oh. Ouais. C'est parfait. Tu trinques au champagne, tout s'est bien passé. Ouais. Ping. Et au fait, je fais des proutes en dormant. Tous les matins, on écoute aussi les messages vocaux que vous nous laissez sur notre application Manu en 6-9. Et Glandu, vendredi, on s'est moqué de toi parce que... Jeudi aussi, hein. Ouais, c'est vrai, ouais, tous les autres jours. Pourquoi? Non, on s'est moqué de toi parce que tu nous as dit que comme t'étais célibataire, tu faisais parfois des dîners Skype avec un pote. Ah oui, pour pas être tout seul. Voilà, pour on s'appelle en Skype et on dîne ensemble. C'est vrai qu'on s'est moqué de toi. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé plus fort que toi, écoute. Coucou Manu, coucou les Wawa. Ben moi je vous envoie ce petit message pour soutenir Glandu. Parce que jeudi vous vous moquiez de lui parce qu'il avait fait un dîner par Skype avec un copain. Avec mes copines du lycée, vu qu'on est maintenant aux quatre coins de la France, voire aux quatre coins du monde, on s'appelle souvent par Skype pour se faire des Skype apéro. Donc courage Glandu, nous on est au niveau au-dessus. Ah ouais. Là je suis battu là. Le dîner Skype, ok. Le Skype apéro c'est compliqué quoi. Tu bois un verre, deux verres, trois verres. Après, oh là là. Non, mais on se calme. La tristesse, si t'as plus de connexion, t'es sous tout seul comme ça chez toi. Alors, mais après, t'es pas. Alors, tu sais quoi? Je vais t'apprendre un truc un peu dingue. Dis-moi. Parfois, on peut faire des apéros sans se bourrer la gueule. Oui, c'est ça. T'es dans une ambiance, quoi. Oui, t'es chaud, non, mais, tout seul. Apéro ne veut pas dire tout de suite, on part en rampant. Oui, bien sûr. Paulette, j'aimerais te rappeler un truc important. Nous ne sommes pas des escargots. Un dernier message? Ouais, un autre message vocal. C'est une très bonne réflexion sur la route. Petite question, je me demandais pourquoi les gens qui n'avancent pas sur la route, je parle, sont toujours devant nous et ceux qui sont trop pressés sont toujours derrière nous. Gros bisous à tout le monde. C'est tellement vrai. Le mec qui avance pas, il est devant, celui qui veut doubler est derrière. Ce qui est assez logique en fait. Oui. En fait, mine de rien, oui, c'est normal. Oui. Parce que toi, quand t'es derrière le mec qui n'avance pas, tu es le mec pressé pour le mec de devant. Exactement. Oh là là, j'ai mal au crâne. Dès 6h, c'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie.

have a clue, not a clue. I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it, like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. Like she loves some, bring it back. Like she loves some, in the club with the lights off. But you acting shy for? Come and show me that you with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. But you acting shy for? Sur Énergie, c'est Cédric, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que ça va ce matin. Tout à l'heure, 7h05, 8h05, Manu Dou, bat salaire, dont 6-9 sur Énergie en direct. Inscrivez-vous dès ce matin, énergie.fr, téléchargez aussi l'application Manu, dont 6-9 sur Énergie, ça peut être très très cool. En attendant, on écoute Kaiser Panda, et avant de retrouver en direct Manu, dont 6-9 sur Énergie, c'est le meilleur de l'émission, c'était hier matin, ça a écouté. Manu dans le 6-9. Maman Manu, elle est ouin, ouin, ouin, ouin, ouin. Sur Énergie. C'est le jeu de Glandu, le principe est simple, Glandu a préparé des questions. Il va nous poser une question chacun notre tour. Et toutes ces questions commencent par, d'après toi, qui dans le studio? Ouais. Ouais. Et on doit dénoncer quelqu'un, on doit pointer du doigt quelqu'un. C'est moche, mais c'est cool. Ouais, ça va être rude. Cette semaine, ça va être rude. Ah, okay. Je sais pas pourquoi je le sens. On commence par Isabelle. Ok. Isabelle, d'après toi, qui dans le studio survivrait le moins longtemps sur une île déserte? Oh bah c'est Paulette. Oh bah... Ah oui. Bah, pas de shopping, pas de copine, pas de fête, pas de chat. Tu survivras c'est pas. Ah oui. Non, ah oui. C'est impossible. Bah moi je suis capable de repérer un bambou à manger. Je connais deux trois alors, trucs. Alors le bambou, si tu manges du bambou, effectivement tu vas pas survivre longtemps. Ouais, hein, à l'intérieur du bambou, t'as un truc à manger, non? Non. Génial. Tu confonds peut-être avec la canne à sucre. Oh oui. C'est ça. À l'œil, je vois. Paulette, sur l'île là, t'es déjà morte. Hein. Ouais. Désolée, Paulette. Paulette, à toi. Tiens, tu vas pouvoir te venger. D'après toi, qui dans le studio est le plus mou au lit? Ah. L'étoile de mer. Ça c'est dur. Pas facile. Ah c'est dur. Ouais, c'est pas Isa, c'est pas toi, Manu. Ah bon? Ouais, ah ouais. Non, tu peux pas. On n'est pas précoce, c'est mou. C'est gratos. Oh, c'est méchant. Bah à quel moment c'est moi? Bah c'est la routine, vous êtes mou, coucou, c'est moi, je rentre à la maison. Alors je pense que tu serais surprise et on le fait pas que dans un lit. Nico, pas besoin d'argumenter. Mais si. Pour elle, elle pense que c'est toi le plus mou au lit. Ouais, mais voilà. Elle pense que toi t'es précoce, donc elle limite. Ouais, c'est quoi que je prends. Ok, c'est comme ça. J'adore. Ok. Nico, à toi. Ouais, vas-y. D'après toi, qui dans le studio est le ou la plus facile à séduire? Le garçon ou la fille facile? Ouais. Je partirais sur un Manu, je pense. Hein. Ah ouais, je pense. Bah, c'est... On va pas se mentir. Il dit pas non. Hein. Non, honnêtement, ouais. Je vous ai souvent dit que pendant les années, t'étais un petit peu, c'était galère au niveau des filles. Donc je pense qu'une fille te fait un clin d'œil, c'est ok. Même non, une fille qui a des yeux. Pas besoin de faire l'effort du clin d'œil. C'est bon, je me suis pas trompé. Non, c'est vrai. J'assume. Ouais. Pas, quoi. Après, en sachant que t'es précoce, peut-être qu'elles viendront moins vers toi. Quoi. Oh non. Mais je sais pas, c'est Paulette qui a dit ça. Et non, mais toi, tu poses des questions, tu réponds pas. Ah non, c'est le concept. Alors, je crois pas ça. Bon. Il reste moi. Ouais, c'est toi. Allez, on voit. Manu, d'après toi, qui dans le studio mérite le moins une augmentation? Oh. Allez, il faut te mouiller là. Oh non. Waouh, c'est tendu. C'est assez facile. Ah ouais? Bah oui. Honnêtement, je peux même tenter un truc là. Je fais 1, 2, 3 et on dit tous le prénom en même temps. Je suis sûr que tout le monde va dire le même prénom. Oh, c'est dur, bah, sauf c'est la personne dur, concernée, du coup. Ouais. Ah oui, sauf la personne concernée. Ah. Du coup, Paulette, tu réponds pas. On l'aurait dit. On va pas se mentir. Vous êtes horrible, je l'ai laissé passer en disant la vérité. Ah, alors, qui dans le studio mérite le moins une augmentation? Ouais, je dirais Paulette. Ouais. Mais alors, c'est pas que tu mérites pas de salaire. Hein. Mm. C'est. Mais pour un autre boulot. Ouais. Mais, c'est dégueulasse. Non, c'est vrai que si on était payé à l'heure, ce serait effectivement. On va pas se mentir. Non, si on est même payé au travail. Non mais Paulette, on t'aime, vraiment, ouais. On t'aime et ouais. Tout. Mais voilà, bon, bah, t'as la moitié de ta journée, tu dors, tu fais des siestes, t'arrives toujours en retard. T'es là, hein, pendant l'émission, t'es là. Pour ma défense, je reste beaucoup plus longtemps que vous au bureau. Et parce que t'es lente. Parce que je dors dessous, mais, oui, mais je suis au bureau. Pardon, ouais, voilà, ouais, tu dors dessous, parce qu'on peut parler de la photo de vendredi qu'on a reçue, effectivement, où t'es en train de dormir sous le bureau, quoi. Il faut savoir que Paulette arrive des fois à dormir sous un bureau. Mais oui, mais ça, c'est pas travailler, Paulette, hein. Bah oui, c'est pas les heures de... J'ai mis plein de petits plaids. Non mais comment, dans quel métier, voilà, Paulette. Tu sais qu'on pourrait la mettre, la photo. Ouais, oui. Allez, on va la mettre. C'est dégueulasse. On va mettre la photo de Paulette qui dort sous un bureau à énergie. À quel moment tu peux vraiment aller monter voir le patron demandant une augmentation? Non mais mais elle lui dit regardez mes horaires de badge parce qu'elle dort sous le bureau donc elle s'en va forcément tard quoi. Mais elle a dormi. Voilà. Après, c'est ça. Oui, mais temps. Ça ne marche pas Paulette. Et moi je dis bonjour à tous les gens de la radio tous les jours. Mais c'est bien ça. Tu dis bonjour après tu vas te coucher. C'est ça. Tu peux pas demander une augmentation comme ça. Comprends. Ben je demande une augmentation parce que je suis sympa. Mais ça ne marche pas. Non. Paulette, ouais. Oh ben je demande pas d'augmentation. Non mais même les gilets jaunes ils ont marre de toi. Des 6h. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. Non, non, non, le temps. Le naturel d'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. De la hauteur, ceci n'est pas un au revoir, car je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me me flow quoi, comme mon yang. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Dam dam dam dam dam dam dam. La hindi mecha, bugo da barumbiali, bo abaranzai, mo llego to javi. Pull up hit in el oriente, todo quiere fiesta y baile. La hindi mecha, la gente quiere fiesta y rumba, ya la vea, quiere el ritmo sin ley. El papi pull up, vamos a romper la frontera con un olé. Yeah. Ah, vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. También lo sienta en Venezuela, que lo muera. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muera. Mami, yo sé que quieres vacilar con tus amigas en el barrio. Guaraná, rumba y tequila. Déjate el estrés, mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami no quiere. Sé que prefiere, mami, tu huevo no miente. La gente mecha, Bogotá va a rumbear y voy a balanzar. No llego todo ya, y pull up y en el oriente. Todo quiere fiesta y bailar. La gente mecha, la gente quiere fiesta y rumba, ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pull up, vamos a romper la frontera con un olé. Yeah. Ah, vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo mueva. Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Con las manos pa' arriba, yeah. Siente el ritmo, mamita, yeah. Preguntaré a la gente, el ambiente está caliente, yeah. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Deux secondes. Ouais. Ouais. Qu'est-ce bon. Qui se passe? Je remontais mes chaussettes. Ah, ouais. Je vais vous dire un problème. Truc. Ouais, souvent on dit ce mec est incroyable, ouais. C'est une vraie star. Ouais, mais je remonte mes chaussettes. C'est dingue. Et ouais. C'est dingue. Hein. T'es comme tout le monde. Ouais. Vous pouvez me toucher. Non. Soyez les bienvenus sur Énergie, il est 5h55. C'est notre petit moment à nous, le club du 555. Avant de démarrer l'émission, dans 5 minutes à 6h, on est entre nous, on est bien, on est tranquille. Et on se fait un petit plaisir chaque matin. Ce matin, notre petit plaisir, tout le monde à poil. Ah ouais. Ah il y a deux équipes, j'ai l'impression. Ouais. Il y a les mecs pervers et les femmes normales. Bah non. Bon. C'est surtout qu'il fait toujours froid dans le studio. Ah si c'est que ça le problème, je te montre le chauffage. Hein. Je t'installe un radiateur en 25 secondes. Ah oui. Notre petit plaisir, comme chaque jour, on s'écoute un titre qui va nous lancer la journée. Un titre qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Et aujourd'hui, ça fait longtemps, un Madonna. Ah. Oh. Alors. Ah ouais. Ouais. Super. Die Another Day de James Bond. Je sais plus lequel. Il y en a beaucoup trop, les James Bond. Ouais. Madonna sur Energy. C'est pour un con. J'ai dit Madonna Die Another Day de James Bond, je sais plus lequel, et évidemment c'est Bada Die Another Day. Ouais. C'est le titre en fait, ouais. Du James Bond, ouais. En même temps le titre de la chanson, voilà. T'es juste un peu ouin ouin, tu sais Manu, c'est pas grave. Ouais, ouais, disons que je suis différent des êtres humains. Il est 6h les amis. Qu'on amène le coq.